commence par des questions dans la salle. En tout cas, moi j'en avais une. Moi j'ai une question par rapport au terrain. Ce que vous dites, j'ai choisi des terrains, des utopies pratiques, des terrains ouverts à tous, des terrains piétonniers à Paris. Je me posais la question de savoir si vous travaillez à Paris, donc oui. Voilà. Ces terrains parisiens, est-ce qu'ils ont une spécificité par rapport à, vous n'avez pas exploité d'autres types de terrains, des terrains parisiens, enfin, est-ce qu'il y a un effet propre à Paris dans votre analyse ou pas? Question très générale. Hein. Oui, alors oui, en parallèle, moi j'ai conduit l'essentiel de mon travail de thèse à Paris. Mais ce faisant, j'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil et au Maroc, par exemple, dans lesquels la question des espaces publics se pose de manière très très différente. Mais ça m'a servi d'analyseur comparatif implicite, je ne fais pas figurer ces exemples dans ma thèse, pour voir les logiques du voir être vu et comment elles pouvaient être saisies différemment et codées culturellement également. Alors au Brésil, c'était très intéressant de voir que les espaces publics les plus fréquentés, ce qui correspondait au type de relations urbaines qui m'intéressaient, sont les espaces publics des plages, dans lesquels la mise en jeu du corps est très très particulière, puisque les Brésiliens s'habillent très peu. Mais donc, pour revenir à votre question, c'est pas une obsession, mais voilà, pour revenir à votre question, oui, ces lieux sont des lieux particuliers, et très parisiens, en fait. Ce qui m'intéresserait effectivement, c'est d'analyser les rapports d'anonymat et de renommée dans des villes moins grandes qu'une ville comme Paris, parce que l'anonymat parisien, c'est un principe, une évidence telle pour une ville pareille, mais dans des villes moins grandes, donc c'est vrai que j'ai aussi un peu travaillé à Lyon, les questions se posent relativement différemment, parce qu'on n'a pas forcément affaire au même type, au même caractère hétéroclite des apparences, d'abord qu'à Paris, et surtout dans les espaces que j'ai choisis, qui sont des espaces peut-être de surexhibition identitaire, enfin c'est le cas du Forum Néal en fait, de manière très nette, donc c'est aussi un lieu de mode très intense, donc en tout cas les lieux que j'ai choisis s'opposent à Paris à d'autres lieux que j'ai fréquentés aussi, qui sont des lieux plus communautarisés, qui correspondent plus à des logiques de quartier, à des logiques d'entre-soi. Et c'était en opposition à ces logiques d'entre-soi que je travaillais sur des espaces circulants, des espaces... Non, je posais évidemment cette question par rapport au rapport à l'espace et aux possibilités d'ajustement ou d'appropriation que vous décrivez. Mais je pense que les questions la salle sont nombreuses. Merci d'abord pour cet exposé. Il y a un micro qui circule dans la salle pour ceux qui veulent poser des questions. Juste une remarque parce que je vais annoncer votre nom. Samuel Gorbeil, j'interviens cet après-midi. Donc, et sur la question du terrain, mais formulée autrement. Si le terrain, c'est un réservoir de matériaux pratiques offerts à l'observation, là, dans ce que vous avez évoqué, il y a deux types de matériaux qui sont imbriqués dans la réalité, qui sont des matériaux de situation que vous avez décrite, et puis qui sont des matériaux iconographiques qu'on retrouve dans les magazines. Et le jean, on l'a vu plus sur les magazines que dans l'espace réel. Alors, je voudrais évoquer juste une situation à laquelle j'ai assisté et qui, dont je ne vais pas parler cet après-midi, mais là, ça prend un peu de pertinence. Il y a une troupe de danseurs de rue qui officie, je pense, dans la France entière et la Navarre, mais qui est basée à Aix, c'est la compagnie de Bernard Menot. Et c'est des Oubliébrius qui interviennent à Troyes et qui s'infiltrent dans des environnements peuplés. Ils font les fins de marché, par exemple, à Aix, au festival, enfin, au moment où il y a un public éventuellement disponible. Et ça n'est pas programmé, il n'y a pas de convention. Tout d'un coup, ils se mettent à danser. Vous reconnaissez que c'est de la danse contemporaine. Et ils font un traitement. Et puis, ils s'évadent de la scène et ils vont reparaître ailleurs. Et là, observation micro-analytique, il se passe quelque chose quand ils sortent. Tant qu'ils sont sous le regard de tous, il y a une sorte de droit de regard. On a le droit de les regarder de la tête aux pieds. et on a le droit de le faire ostensiblement. Ça fait partie du droit. On les regarde comme s'ils étaient sur une page de magazine. Vous voyez le point. Quand ils sortent et qu'ils se replongent dans la foule, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a encore cette latitude de les détailler de la tête aux pieds? Alors on essaye, on a les regards, très important, les regards en bas, de haut en bas, mais de droite à gauche aussi, parce qu'on regarde si les autres à côté font la même chose que nous. Vous voyez? Voilà. Donc, la visibilité, voilà, c'est comme ça que j'aborderai juste un point. On vous regarde, parce que vous avez mis un jean. Quand vous racontez l'histoire, on comprend tous que c'est un petit peu déplacé, que c'est un petit peu éprouvant. Et on comprend pourquoi. Parce qu'on a tous en tête la norme de l'inattention polie. Et si on ne l'avait pas en tête, on ne comprendrait pas votre histoire. Vous voyez? Donc le point que vous faites, et là peut-être j'y reviendrai cet après-midi sur l'utopie pratique, je ne sais pas si cette thèse goffmanienne de l'inattention polie remue dans la thématique de l'espace public, et notamment au premier chef par Isaac Joseph, ça flèche plutôt sur Kant et sur la notion d'idéal régulateur et pas d'utopie. C'est-à-dire qu'un idéal régulateur, c'est quelque chose qui s'enlève comme idéal, précisément au motif qu'il n'est pas réalisé dans la pratique. Vous voyez ? Voilà, c'est juste un point. Alors, pour moi, le rapport dit juste le dernier point, mais en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous avez, la situation que vous avez racontée. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout parlé de ça, et peut-être que j'ai mal répondu d'ailleurs sur la question du terrain. Mes terrains sont absolument pas équivalents, d'abord les uns et les autres. J'ai voulu aujourd'hui parler surtout du statut d'interprétation, mais effectivement, j'ai beaucoup analysé comment on regardait, ce qu'on regardait, ce qu'on s'autorisait à regarder, et la sortie de scène, en quelque sorte, enfin l'invention de la coulisse par la foule, comme vous venez de le décrire pour cette troupe de théâtre de rue, change forcément le regard. Et moi, par exemple, au parc de la Villette, j'ai analysé des phénomènes inverses. Le parc de la Villette, c'est un lieu où les regards sont très libres. On a le droit de regarder ostensiblement tout. Beaucoup de gens se mettent en spectacle sans assumer que c'est un spectacle. Notamment, par exemple, j'ai fait un film sur le parc de la Villette, j'ai filmé très longtemps les danseurs de capoeira qui viennent répéter. Donc pour eux, c'est un espace qui est un espace à la fois de coulisses, où on a le droit de regarder, mais par contre, ce qui est interdit, c'est de montrer qu'on sait qu'on nous regarde. Donc, jamais, à aucun moment, pendant les après-midi où je filmais ces danseurs de capoeira, ils ne m'ont accordé un regard. Pourtant, j'étais sous leurs yeux avec ma caméra. Donc, on est dans une logique un petit peu... Donc, toute cette dynamique des regards qui s'échangent, qui ne s'échangent pas, est au cœur de mon travail et de ce qui m'intéresse, effectivement. Alors, au Forum des Halles, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt dans un espace sans perspective, sans possibilité de faire porter le regard, ou un espace, en quelque sorte, où le regard est interdit. Quelques-uns ont le droit de regarder, notamment des jeunes hommes associés à la banlieue, qui ne sont pas forcément, qui, eux, balayent l'espace très rapidement, qui se déplacent en permanence, parce que c'est un espace où on n'a pas le droit de s'arrêter, en fait. Mais tous les autres ont des regards extrêmement rapides. Ce n'est absolument pas un lieu d'observation. Donc les conditions de l'observabilité réciproque sont très particulières. Et quand je parlais d'utopie pratique, c'était moins pour faire référence... j'ai peut-être été un peu confuse. C'était plutôt pour évoquer ce repli. Enfin, je suis d'accord avec vous sur la question de la régulation concernant l'inattention civile. Et c'était pour indiquer ce repli entre une conception utopique, mais c'est-à-dire sans lieu finalement, de l'espace public, et une tentative, ce qu'a fait Isaac Joseph, d'incarner cet espace et de faire se joindre des conceptions philosophiques avec des observations pratiques. D'où cette idée d'utopie pratique qui est discutable peut-être, mais ça ne renvoyait pas directement à Goffman, mais plutôt à Isaac Joseph, à Simmel, à ces théories-là de l'espace public. Et Goffman s'y glisse de manière... venant d'un autre horizon, en quelque sorte, que cette tradition effectivement allemande. Je retiens une question, c'est très très générale, sur l'approche qui est développée, l'approche sémiotique qui est en avant, en fait. Moi, ce que j'ai entendu, c'est des choses extrêmement intéressantes à partir de, des objets. C'est-à-dire qu'on parlait de l'uniforme, on a parlé du jean, et le travail en fait qui est développé, qui renvoie à une sémiotique de l'instant. On a entendu en fait à partir de cette perception d'objet. La question que je me pose, qui est, à mon avis, qui a trait à la fois la marche tout à fait de la même manière que la thématique des ambiances, c'est la question de la discrétisation des signes. C'est-à-dire que, effectivement, quand on parle d'objet, on peut après essayer de trouver des systèmes de référenciation, des systèmes d'interprétation, et on peut travailler sur la façon dont des comportements perceptifs fonctionnent. Qu'en est-il de cette sémiotique de la salle, si on travaille effectivement sur une activité de déplacement urbain, donc sur est-ce que cette sémiotique de la salle pourrait fonctionner et à quel prix quand on travaille effectivement sur des activités qui sont de l'ordre du continu, comment est-ce qu'on discrétise, est-ce qu'il y a des séquences, est-ce qu'on peut discrétiser ou pas, et je pense que ça renvoie aussi plus de façon plus générale à la thématique des ambiances, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se situer aussi à un niveau infrasémiotique dans ce type de travail. Ah oui, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut en inventant des moyens d'observer en fait, des truchements par lesquels saisir l'instable, parce que l'instable est quand même saisissable, c'est pas de l'insaisissable. Et cette articulation entre la continuité qui est à penser avec la marche et peut-être l'image de discontinuité que j'ai donnée moi parce que j'ai pris des moments arrêtés. C'est vraiment quelque chose que moi, par exemple, j'ai essayé d'expérimenter en articulant une pratique photographique qui travaille avec du temps posé, pratique photographique qui autorise la comparaison, la mise en lien avec des documents iconographiques, ce que j'ai fait énormément. Donc on a ce temps de la mémorisation des formes qui se stabilisent, qui se rigidifient, qui se cristallisent, et puis un autre temps, et là j'ai essayé de travailler avec le film, qui lui propose une expérience du continu et du discontinu par le montage, mais j'ai surtout analysé dans mon travail réflexif le travail du preneur de film en fait, puisque j'ai jamais posé une caméra en laissant filmer sans moi, j'ai toujours essayé d'éprouver le point de vue de la caméra et d'éprouver par le biais d'une caméra et aussi d'un appareil photo, le voir être vu, est-ce qu'on me voit, est-ce que je peux faire la photo, et par le film c'était un moyen. C'est un moyen possible en tout cas de se situer dans cette sémiotique en construction en fait de l'instable. Il y avait une grosse dimension. Je crois qu'on peut difficilement travailler sur ces sujets sans oser faire des expérimentations. Et il y a une très grosse dimension expérimentale dans ce que je fais en fait, même si là j'ai rendu plutôt compte de quelque chose de plus classique. En prenant des objets, c'est vrai que c'est plus facile. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais ne pas entrer dans des représentations figées, mais c'est plus facile de montrer une carte du quartier, mais c'est plus facile d'exhiber un objet que de montrer le processus. Le processus, il peut être décrit, mais il est difficile à montrer. Oui, bon d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui était très passionnante. Je voulais revenir à cette notion de sémiotique de l'instable que vous avez évoquée. J'ai en train de me demander si ce que vous avez, ce que vous essayez d'atteindre à travers cette notion n'est pas une condition qui appartient à notre époque, par exemple. Qui n'est pas. Par exemple, à partir d'un moment, on commence à porter le jean, non pas en tant que vêtement générique de travail, mais comme vêtements pour la de rue, tout simplement. Ça correspond peut-être aussi à une époque où on a un peu le statut du costume, par exemple, commence à descendre. On ne sort pas comme ça tous les jours en costume. Il y a aussi le fait que les deux sont à l'origine des vêtements d'hommes, et pas de femmes, etc. Donc, voilà ma question de savoir comment, si vous auriez envie de situer la réflexion que vous menez de façon historique, quoi. Alors, oui, moi, là, j'avais pas le temps de le faire. C'est vrai que le costume d'homme, par exemple, s'il est en perte de vitesse, effectivement, il est quand même assez récent, malgré tout, puisqu'il s'invente au 19e siècle, en fait. L'uniformisation des corps masculins par le vêtement, dans l'histoire du corps et l'histoire des représentations du corps est très récente. Il y avait une aussi grande variété des tenues masculines au XVIIIe siècle que des tenues féminines, par exemple. Et la perspective historique, elle est vraiment très intéressante à tenir, parce que justement, moi, c'est une des choses. Pour moi, c'est un des moyens de sortir d'un interactionnisme trop réducteur qui se présente toujours comme ahistorique, comme si les choses ne se passaient que dans l'interaction entre deux personnes, deux individus, ou trois personnes, ou plus. Non, il y a des formes qui sont présentes, ces formes ont une histoire, il y a du mémorable. Il y a du savoir autour du savoir partagé, et puis il y a du savoir non partagé, il y a l'ignorance aussi. Donc il y a des formes qui sont là, qui signifient pour l'un, mais qui signifient rien pour l'autre. Et je pense aussi que pour saisir le statut des apparences et du corps, et même du corps par le mouvement, il est parfois même intéressant de promouvoir une histoire anachronique. Au sens de George Eddyberman ou de Abby Warburg, c'est-à-dire oser comparer des formes. Et c'est très intéressant, par exemple, si on prend des poses comme le déhanché, la pose déhanchée. Alors, dans mon corpus de Jean, des poses déhanchées, j'en ai plein, parce que c'est des poses asymétriques qui mettent en valeur le corps. Mais cette pose déhanchée est inventée dans l'Antiquité grecque comme une manière de représenter le corps masculin. Et c'est une pose qui est adoptée en permanence, qui est réactivée, convoquée. C'est-à-dire qu'on peut photographier les gens avec cette pose. Et quand moi, photographe, je photographie des gens qui prennent cette pose, c'est aussi parce que moi, je la connais. C'est une forme inscrite dans mon propre regard. Donc, je trouve non seulement qu'il faut faire de l'histoire, mais aussi une histoire anachronique. Donc, c'est une des perspectives que j'annonce, mais sur laquelle je travaille en ce moment, en fait, précisément. C'est pour travailler sur la réminiscence des formes et sur... sur leur efficacité symbolique. Pour peut-être rebondir sur la question des poses et revenir de façon un peu plus centrée sur la question de la marche, est-ce que vous avez pu observer des langages corporels particuliers, peut-être en fonction d'appartenance ethnique, en fonction d'âge, etc. Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des manières particulières de marcher ont pu être observés de ce point de vue-là? Alors, oui, bien sûr. Et si oui, quel outil mettre en place pour les décrire? Alors, oui, bien sûr, et en même temps, je me suis efforcée de ne pas avoir cette optique exactement. Mais j'ai filmé, je vais l'avouer, j'ai filmé les démarches des jeunes hommes. On regarde toujours les femmes dans la rue, j'ai voulu renverser un peu l'endroit. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressée aux stéréotypes du jeune de banlieue. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur le hip-hop, sur les apparences, le style du rap, à partir de ce que je pouvais observer au Hall, en fait, qui est un haut lieu de la culture hip-hop, où il se passe plus grand-chose au niveau artistique, mais où il se passe beaucoup de choses au niveau du marché, en fait, du marché. Donc, tous les acteurs du mouvement viennent. Et à partir d'acteurs vraiment du mouvement et de la manière dont ils décrivent les autres, ma perspective est toujours un peu celle d'une délégation de la parole. Moi, ce qui m'intéressait, c'était une démarche bien spécifique, par exemple, qui est celle qu'on associe communément aux jeunes qui aiment le rap, aux jeunes de la banlieue. C'est cette démarche hachée, ce codiquement particulier, que j'ai filmé. Ça m'a permis quand même de repérer plein de choses. D'abord qu'elle s'apprend, cette démarche s'apprend. Il y a des experts et des faussaires. Et il y a des experts et des faussaires tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens passent beaucoup, d'ailleurs ils passent beaucoup de temps à dire voilà, lui il en fait trop, lui il en fait pas assez. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de le faire parce qu'ils n'ont plus ce type de signes à produire face à leur entourage. Donc après j'ai aussi travaillé sur ceux qui harnachaient la marche, enfin ce qui pouvait la contraindre physiquement, donc les chaussures par exemple. Et puis le jean aussi, c'était un moyen, bien sûr. Donc, et là, c'est plutôt intéressant de voir que les gens font des expériences différenciées. Porter des talons un jour, ça modifie tout. Le piétinement, la tenue, etc. Et c'est une expérience qui peut être recherchée juste pour ça, pour cette modification du corps en marche. Tant le corps en marche est important pour les gens, en fait. Donc, comment saisir par l'observation, mais je crois que... moi, ce que j'essayais plutôt de voir, c'était comment s'ajustaient les rapports d'expertise et d'ignorance dans l'observation de ces différences culturelles, en fait. C'est plutôt Donc j'ai jamais essayé de faire de tableau, par exemple, qui permettrait de dire un tel marche comme ça. Mais en même temps, on peut quand même indiquer des formes structurées et des formes stabilisées, et on connaît ça. Et je passe, je suis beaucoup passée par l'observation. J'ai jamais filmé sans avoir observé d'abord, en fait. Est-ce que dans les discours recueillis, vous disiez tout à l'heure que Francis, c'est ça, pouvait reconnaître la malienne sénégalaise, est-ce que ça, c'est, par exemple, ce sont des choses qui sont récurrentes dans le discours, par exemple, est-ce qu'on peut reconnaître des types de marches? Est-ce que c'est un discours que vous avez pu recueillir? Alors, sur la marche explicitement, bah, oui, à cause de, sur cette marche particulière dont je parlais tout à l'heure, oui, sur les marches des femmes, elles se déhanchent, etc., etc. Donc oui, il y a une expertise, sur certains types de marches, il y a une expertise, effectivement. Et aussi sur les marches des personnes âgées, à propos desquelles les gens... Mais je ne l'ai pas étudié en tant que tel, mais j'ai ça dans mes entretiens, en fait... Ça va permettre de savoir si on fait plus attention, moins attention, si on évite bien à l'avance la personne ou pas. C'est effectivement, ce serait possible, hein, je pense, de reprendre tous mes entretiens et de trouver des qualificatifs de la marche en tant que telle, je pense. Donc ce serait un moyen de... Oui, j'ai juste une question sur l'anonymat. C'est-à-dire, je me demandais si ce concept, il apparaît comme universel, c'est-à-dire dans le fond quelque chose qui recouvre une désignation en acte, comme une rencontre de l'interactivité ou de la rencontre de vous par rapport à ce que vous observez, ou est-ce qu'il se déplace dans un processus au moment même où les acteurs peuvent le désigner ou le faire apparaître, ou est-ce que c'est une notion plus globale qui recouvre tout le champ de votre analyse par rapport auquel vous pouvez avoir toutes ces variétés? C'est important dans le processus. En réalité, c'est la deuxième option, c'est-à-dire que c'est un processus qui se déplace et qui n'a de sens qu'en tension avec ce qui n'est pas l'anonymat. Donc l'anonymat, c'est pas une absence de nom, ça se saurait. Mais le nom lui-même, c'est quelque chose de très compliqué sur le plan anthropologique, donc il n'y a pas d'anonymat concevable de manière universelle. Mais donc moi, je l'ai pris au départ comme un fantasme, en fait, au sens un peu barthésien du fantasme, c'est-à-dire que l'idée fixe qui fait partir la recherche, ce qui m'intéressait, c'était les rapports entre inconnus, et que l'anonymat permette d'interroger ces rapports entre inconnus dans un contexte urbain, en mettant en jeu le corps de manière spécifique. Ensuite, tout au long de mon travail, l'anonymat a pris de l'épaisseur et à la fois il en a perdu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais atteint de caractère universel, c'est pas un concept et c'est à peine une notion. J'ai essayé de le remplir quand même. Finalement, il se trouve plutôt comme un agencement de relations entre individus, un moyen de penser la relation entre le singulier et le collectif. Mais toujours dans un processus, en fait. Toujours dans un processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La difficulté, juste dans ce travail, que je ressens dans ce que vous dites, et qui est vraiment bien écrit quand vous l'avez abordé, c'était surtout de voir comment cette question de l'anonymat, à un moment donné, vous pouvez vous en emparer vous-même pour revisiter le processus. Le passage de l'anonymat nommé par les interacteurs eux-mêmes, et puis le vôtre, votre regard. Et c'est vrai que c'était aussi l'anonymat existe pour les gens. Quand on sur quoi tu travailles, je travaille sur l'anonymat urbain. Donc ça lance, ça déclenche automatiquement du récit, de l'histoire, des commentaires. Ce fantasme, il est partagé en fait. Donc c'est ce qui permet ce double mouvement de laisser se saisir l'autre de ce thème, et puis moi de le requalifier, d'essayer d'en analyser les ressorts finalement. Et c'est pour ça que je parle de poétique au sens étymologique, c'est que j'ai considéré que l'anonymat était une sorte de fabrication, un tissage en fait, de conception, d'expérience, de mise en jeu du corps et des identités, de l'identité par le négatif, mais que je ne pouvais pas saisir autrement qu'avec cette démarche un peu poétique, mais poétique, de défaire ce qui est fabriqué ou de fabriquer, de tisser moi-même, en assumant que je fabrique. Donc c'est vrai qu'il y a forcément cette dimension réflexive qui est très importante dans ma démarche, parce que cette notion, je la fais bouger avec moi et je montre comment je la fais bouger en même temps. Hendrik Storm, artiste, enseignant. J'ai une question méthodologique. Quel est votre, dans les moments d'observation, vous êtes fixe à un endroit ou vous êtes en déplacement? Quand je demande ça, c'est tout à fait avec cette perspective de polyphonie d'apparence, parce que j'ai l'impression qu'il y a autour aussi une communauté de gens qui portent la même allure, qui est un des attributs en fait, qui est plus modulable que de changer ses vêtements. Alors, est-ce que, voilà, comme vous êtes, comme vous marchez, comme vous êtes, je marche et je parcours ce que parcourt un piéton ordinaire, je marche, je m'arrête dans les endroits réalistes, on va dire. Mais moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question, en fait. J'adopte les deux points de vue, c'est-à-dire un point de vue arrêté et aussi un point de vue en mouvement. Mais c'était la partie de la question sur les individus qui portent le même vêtement. C'est une extension, c'est-à-dire qu'on est... par exemple, c'est l'expérience aussi de l'atelier d'hier avec un chorégraphe qui nous a obligés de changer de rythme. Mm-hmm. Et quand on change de manière, on peut délibérer le rythme, quand on n'est pas dans le naturel et son propre déplacement, on constate tout d'un coup aussi des gens qui marchent plus vite, par exemple, mm-hmm. ou le contraire, on reconnaît tout d'un coup la communauté de gens qui sont stationnaires. Et on mm-hmm. se fait tout de suite remarquer, par exemple, quand on s'arrête dans une ville très fréquentée, quand on s'arrête, on remarque ces personnes-là, et on est vu aussi également par ces personnes-là. Et on est bien obligé d'intrigue. J'imagine que cette petite question se pose pour un tel travail. Oui, absolument. Alors du coup, ma réponse est nette, c'est que j'ai essayé de varier le plus possible les rythmes, les arrêts, les pauses, les positions, sans prétendre aucune exhaustivité, mais pour comprendre en fait. Donc j'ai plutôt essayé de changer d'échelle le plus souvent possible, d'allure, et j'ai fait aussi, enfin l'expérience du jean c'était aussi un petit peu ça, j'ai changé mes propres apparences et j'ai même expérimenté deux choses, c'est-à-dire être une jeune femme dans la ville et puis être un photographe dans la ville, c'est pas du tout la même chose. En tant que photographe, je suis étrangère à la situation, on peut m'accueillir très bien ou pas, mais je produis des choses et je passe de l'être regardant alors que j'étais regardée au départ. Donc, tout mon travail de terrain est vraiment articulé sur cette idée de faire varier les modes d'observation et puis d'expérimenter. Parfois j'ai fait des erreurs, enfin, je n'ai pas pu tirer des choses de tout ce que j'ai essayé, mais il y avait cette idée d'expérimentation très très forte. Bien.